Cogeco.ca ou au 418-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Nous voici en onde. Hey, salut, mon cher Bruno. Et bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Et bienvenue à l'émission Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Et on a plein de nouveautés, de disques parus en 2020. Déjà, étant donné qu'on est au 15 février, il y a quand même plusieurs bons albums qui sont sortis. Et on parlera aussi de spectacles qu'on pourra voir bientôt. D'ici les quelques prochains mois à Québec, les 2-3 prochains mois. Et on a, comme je vous disais, plein de bonne musique. On a une pièce en spectacle de La Mascarade et Chera sur tirée de Prague Exhibition. Puis je vous parle de ça parce qu'on aura la chance de les voir, comme vous le savez, pour un spectacle. Si vous ne le savez pas, en tout cas, il ne faut pas manquer ça. Un spectacle unique là, pour la reformation de La Mascarade et Chera qui vont lancer leur nouvel album. Ils vont être en studio. Dans quelques semaines, là, peut-être dans 2 semaines, pour l'enregistrement de leur nouvel album qui sera lancé en grande première mondiale au Festival Terra Incognita. Ça, c'est le 17 mai prochain au Centre d'art La Chapelle. Alors, moi, j'avais acheté Prog Exhibition. C'est un coffret qui sur lequel il y a en spectacle là, les groupes légendaires du rock progressif italien, PFM, Banco, Les Ormés, et également les nouveaux groupes. Puis moi, je me disais, on n'aura jamais la chance de toute façon de voir La Mascarade et Chera. Ils s'étaient séparés, leur dernier album était en 2013. Mais là, on a la chance d'une reformation. On aura une pièce de Luxadé en spectacle, la pièce Orpheus. Mais tout d'abord, on va débuter l'émission avec Carfagan. Carfagan, c'est, comme vous le savez, probablement le projet d'Anthony Kalugin. C'est de l'Ukraine. Et Anthony Kalugin, c'est son 11e album. Il y en a un à chaque année, là, depuis quelques années. Puis plus ça va, plus ils sont bons. Alors celui-là, ça s'intitule Birds of Passage. On aura la pièce Birds of Passage Part 1, suivie de La Mascarade et Chera sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Thank you. Birds of gold. Ora non sogno più, ho scelto di andare al di là migliaia di errori come ora non cerco più, ho perso la mia verità e devo restare così. Io non cerco più la mia realtà, si sta sparendo dentro me. Io non cerco più la verità, se stai affondando qui con me. CKRL 89.1. À Québec. Première ovation. Première ovation, un tremplin pour la relève culturelle de Québec et de Wendake. Du 14 au 19 février, le Festival déjanté de la musique alternative, le FOCOF, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Retrouvez notamment Valence, Des Sourcils, Fria Moera, Beat Sexu, Saviors, Pulsar Trio, David Sassum, Ariane Roy, Liana, Année le Tigre, Le Point Panda, Élégie et D'Embrume. Encouragez la relève musicale de Québec et procurez-vous votre laissez-passer au fuckoff.com. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour, soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane. Une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Alors, juste avant la pause, ce qu'on entendait, c'était la Mascara di Cera, un spectacle. Ça, c'est tiré d'un album... C'est Prog Exhibition. En fait, c'est un coffret qui fait 7 CD, 4 DVD avec les groupes italiens des années 70 et les nouveaux groupes comme la Mascara di Cera qui sera en spectacle pour un super retour, nous présenter un nouvel album. Ça sera le 17 mai prochain au Centre d'art La Chapelle. Il y aura cette journée-là Head with Wings des États-Unis. C'est leur premier concert au Canada. Ensuite, Quelques décès il tuono. On en a parlé la semaine dernière pas mal, avec des primeurs. Alors, Quelques décès il tuono, ça peut se traduire par « Ce qu'a dit le tonnerre ». Alors, c'est leur premier concert en Amérique et ils vont lancer leur album. En fait, ils vont le lancer le 20 mars prochain et ils nous le présenteront « Il velo dei riflessi ». Alors, ça, c'est avec Francesca Zanetta qui était dans « Unreal City ». Et la Mascara di Cera. Ensuite, ce qu'on a au festival le samedi, il y a ES Project. D'ailleurs, à chaque journée, il y a un concert intimiste de ES Project. Les vendredis 15 mai, samedi 16 et dimanche 17. Et c'est deux musiciens italiens, Ivan Santovito puis Elenia Salvemini. Les deux ont les initiales IS, donc le IS Project, présenteront des prestations à une vingtaine de minutes. Ensuite, le vendredi, il y aura la formation norvégienne 35 Tapes. C'est leur premier concert en Amérique du Nord. En fait, c'est leur premier album l'an dernier. Et ça, c'est des musiciens qui ont commencé dans les années 70. Alors, on a bien hâte de voir ça. Et Anecdoton qui présenteront un concert 25e anniversaire de l'apparition de Nucleus, un album de 1995, et également des pièces de V-Mod, leur premier album. Beaucoup de gens adorent cet album-là. Le 16 mai, donc, ES Project qui débute. Ensuite, Sintonia Distorta, premier concert en Amérique du Nord pour cette formation, et qui présenteront leur second album, A Piedi Nudi sul Alcobaleno. C'est lui qui sera lancé là, dans deux semaines, le 29 février. Ensuite, Professeur Tip Top seront là le samedi aussi pour leur premier concert en Amérique du Nord. Hein. C'est des Norvégiens. Ils ont 5 albums à leur actif. Et ce soir, on aura une pièce en primeur de leur prochain album. Et c'est ça qui va jouer juste après. La pièce Erebus. Et on a également... voilà, cette pièce-là, c'est une courte pièce là qui, on dirait, un mélange un peu entre Jefferson Airplane, Jethro, des débuts. Et vous allez voir, c'est très bon. Et ensuite, donc, le samedi, on aura Anecdoten aussi pour un survol de leur carrière. Ils ont 6 albums de 93 à 2015. Et ça, c'est à ne pas manquer. Anecdoten, c'est à voir. C'est toujours bon. Alors, on y va. On va parler d'autres spectacles aussi qui s'en viennent. C'est vrai, je vous disais ça en début d'émission. Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a beaucoup de matériel. Il y a Red Sand qui vont faire le lancement de leur nouvel album à l'Antibar le 15 mars. Ensuite, il y a Dweezil Zappa au Palais Montcalm. Ça, c'est le 20 mars. Il y a Prague Story au Théâtre de la Cité Universitaire avec un nouveau spectacle le 21 mars. Inner Odyssey qui vont lancer leur nouvel album le 26 mars. Ça, c'est au Dauteuil. Également, au début avril, The Flower Kings sont là le 3 avril à la Polyvalente de Charlebourg. Ensuite, il y a Stickman, mais c'est complet. Il y a Pendragon qui vont être là au Théâtre de la Cité Universitaire. Ensuite, ça c'est au mois de mai, le 9 mai. Ensuite, Big Big Train, le 13 mai. Et ensuite, ben, le 15, 16 et 17, c'est le Festival Terra Incognita. Ouf, ça fait pas mal de spectacles qui s'en viennent. On va écouter de la musique en attendant. Donc, Professeur Tip Top, une nouveauté. On y va tout de suite en musique. Days and colors. Ça, c'est de la Biélorussie. C'est le groupe de Worm Ouroboros. Tiré de leur plus récent album Endless Way From You, paru à la toute fin de 2019. Et c'était la pièce Ascension, une des rares pièces où il y a des voix. Alors ça, c'est très bon. Et c'était précédé d'une pièce inédite du groupe norvégien Professor Tip Top, qui sera en Québec dans le cadre du Festival Terra Incognita. Et c'est la pièce Erebus. On y va maintenant avec un artiste de Québec, Christopher Stewart, qui est un artiste qui a œuvré pendant une dizaine d'années dans la formation Polygraph et qui présente maintenant, il va faire partie d'un club qui va présenter une pièce par mois. Ça, c'est sur Bandcamp, le Monthly Release Club. Et il a réalisé, enregistré une superbe pièce, Rising from the Ashes. Une pièce qui évoque les forces qui animent tout ce qui vit et qui semble jamais s'arrêter et d'émerger là, même quand l'impensable survient et que tout semble inévitable, là, la fin semble inévitable, comme par exemple ce qui est arrivé en Australie, les gros feux où tout était ravagé. Et on y va avec cette superbe pièce Rising from the Ashes de l'artiste Christopher Stewart. Thank you. 89.1. CKRL. Québec. Le Radiothon de CKRL, c'est le 27, 28 et 29 mars prochain. L'objectif est de 47 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre avant le 27 mars 17h et courez la chance de gagner le prix spécial membre de CKRL, d'une valeur de 150 $ offert par la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Samedi le 15 février, soirée punk rock avec In My Memory, The Black Jackets et Moscai, 5$ à la porte. Mardi le 18, de France, le groupe Celtic, 00 Celt, entrée gratuite. Jeudi le 20, soirée jazz avec le trio Manouche, Caribou, entrée gratuite. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis en plus. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Hey, de retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était l'artiste américain Cody Carpenter. Michel vous en a présenté deux extraits de son album. Ça, c'est des albums parus en 2020. Ça vient de paraître il y a quelques semaines à peine. Cody Carpenter, troisième album pour cet artiste qui est vraiment multi-instrumentiste, là, puis de beaucoup de talent. Et ses albums, troisième album, il est de la région de Los Angeles. C'est quand même du jazz rock fusion instrumental, mais de haut calibre. L'album, c'est Control. Et là, ce qu'on a entendu, c'était la pièce Thief, de Thief. Et on entendra une autre pièce dans le prochain bloc, d'ailleurs, de cet album-là. C'est vraiment, moi, c'est été un que j'ai beaucoup aimé écouter dans les dernières semaines. Cody Carpenter. On aura la pièce Singularity Malaise aussi dans le prochain bloc. Juste avant Cody Carpenter, on avait Christopher Stewart, un artiste de Québec, et sa pièce Rising from the Ashes. Et vous pouvez aller faire un tour sur Facebook, voir ça dans Polygraph, P-O-L-I-G-R-A-F. On y va maintenant donc avec une nouvelle formation. En fait, moi j'ai connu cette formation-là il y a deux semaines. C'est leur deuxième album. Ils sont de Dublin, en Irlande. C'est la formation M Opus. C'est Jonathan Casey qui est un multi-instrumentiste. C'est une super œuvre, le concept. Album c'est plein de segments musicaux là, il y a deux CD, dans le premier CD il y a 18 pièces et dans le deuxième CD il y a 10 pièces, donc une pièce qui se termine qui est vraiment la pièce phare de cet album-là, c'est la pièce qu'on va entendre d'ailleurs, la pièce Infinite Within de cette formation. Alors, c'est un album qui n'a pas nécessairement beaucoup de progressif à part cette pièce-là, puis une ou deux autres. Il y a tous les styles sont explorés, puis les segments musicaux sont entrecoupés de narration. Alors, la formation M Opus, c'est leur superbe pièce Infinite Within, tirée donc de l'album Origins, ensuite, ce sera suivi de Cody Carpenter, la pièce Singularity Malaise. Together again, Miller, Violet, and Jonas set to work on the IBIA lab, modifying the teleporter system to time travel. Thank you. Life makes trails circling around us, confounds us and binds us, drives in between us, finds us and leaves us. Three old friends had three united plans calculated, time integrated. We'll be right back. reach the space where once he stood. The screen reveals familiar sequences and patterns now. 2048, the numbers run. And in the past, Bournemouth Labs, the test begins, the same three dreamers channeling through space. Disturbance curves the wormhole they create. The future traveler's path returning meets the path of old. Collision binds the two in loop, the teleport explodes. And into time distorted, scattered holes. With weapon raised, crown appears, just in time to see the traitor flee. He points the barrel right at Miller and Violet. You gonna tell me where the man is gone? Miller knows his face, glances at Violet, starts typing, knows what he must do. Says, the man just teleported straight to Hartlepool, mean anything to you? Cross notes, you sent me there. You're coming with me, you're my guarantee. Don't want you teleporting me into deep space. Violet can trigger it, I've set it up. They mount the gate, light forms around them. Guns still pointed right at Miller's ribs. Violet stares at him now when Japs switches down, sending him through. We'll be right back. side. Pulsar shoots out a burning trail. Tears to crown in electric pain. Brute shock spasms in his vertebrae. Crown's gun firing in a random spray. The motion freezes, the light turns black. The body stops beating as they're taken back. The portal closes, tomorrow's men are gone. Yesterday's miller contemplates. He's seen the glimpse of a future fate. And in his mind, probabilities take shape. On the lab, the two travelers fall to the ground. Bullet shells shatter the sound. The final few shots ringing out. Crown's trigger fires empty rounds. Blood blossoms out from the fabric of Violet's heart. Her vision blooms, tumbling stars. Spinning, she slips in the dark. Miller's world ripping apart. Please come back to me. Together we'll stay. Alive in this moment. Don't need me today. Circle, inevitable, four-dimensional blue. Nothing changes, story repeats, same as destroy the gate, gravity wave, several life, 2028, home, Jonah, the back. Person danger, move loud, fast, earth, do something important. Jonah's vision can crowd. Life begins. Wait. Then he understands. There's a part that he has to play. No accidents, no mistakes. A mystery solved this way. He carries her on to the teleport stage. Her body sent back to the test that she made. He cannot return. The events can't be changed. What's happened has happened. Will happen again. Yeah, yeah, yeah, yeah. While it's gone, but the power field escalates. Failing containment, splintering core. Gotta cut loose from the moon and its occupants. Gather some distance, this thing's gonna blow. Crown is now waking while Miller sets course for Earth. Launching the lab into safe empty space. He programs one last destination. The destiny jumps in a body pod. Crown's on his feet. Metal collapses, the gate beams are breaching. Crown runs a Miller, but the pod jets ignite. He watches the lab shrink from view through his visor. Exploding, imploding, the lab disappears. appears on earth. Crash, clatter, rolling, slows falling apart. Jonah's loop severed now. He wakes in the debris. Eyes open an ancient sky. Sight never glimpsed by the living before. First light. Thank you. Le groupe légendaire Green Day est de retour avec leur très anticipé nouvel album Father of All, inclus Fire, Ready, Aim et la chanson-titre Father of All. Green Day, le nouvel album Father of All, disponible partout. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. Ici François-Samuel Fortin. Ce mardi 18 février, rejoignez-moi pour sortie culturelle à la Korrigane de 17h30 à 19h30. Le Fuck Off sera à l'honneur avec Thaïs ainsi que Joé Robin Haché en entrevue et prestation. De plus, Valence et Fria Moeras seront aussi en entrevue durant l'émission. Sans oublier la chronique bière de la Korrigane avec Pierre-Anne Saint-Jean. Soyez avec nous au 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Hey, alors, de retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Cody Carpenter, un deuxième extrait de son nouvel album, album intitulé Control, et c'est son troisième album, voilà. Et c'est un artiste à découvrir, franchement, Michel nous a fait découvrir ça la semaine dernière, puis c'est un super album. Donc, c'était la pièce Singularity Malaise, et juste avant, la longue pièce, c'était la pièce de M. Hopus. C'est une nouvelle formation, leur second album, et ça vient tout juste de paraître, là. Ils sont de l'Irlande. Origins, c'est un album concept. Alors, cette pièce-là, c'est vraiment quelque chose. On y va avec le dernier bloc musical et la formation britannique Nectar, une formation des années 70. Ça, c'est pour faire la transition tranquillement vers l'autoroute. Jacques est déjà là, en train de se préparer, les demandes spéciales rentrent, et donc on va vous mettre dans l'ambiance avec Nectar. C'est un tout nouvel album pour Nectar, c'est déjà le 15e, mais franchement, là, on a un retour ici là à la qualité de ce qui se faisait dans les années 70, avec l'album The Other Side. On aura la pièce Devil's Door, on aura également un nouveau groupe, une nouvelle formation de Johannesburg en Afrique du Sud, la formation Age of Indica, qui nous présente un post-rock un peu psychédélique avec l'album Through the Eyes of Three, et on aura la pièce The Call of the Void. On aura également David Cross et Peter Banks, qui étaient le défunt guitariste, le premier guitariste de la formation Yes. Ils ont fait des enregistrements ensemble, puis ensuite, David Cross a terminé cet album-là avec la collaboration de plusieurs invités, dont sur cette pièce-là qu'on aura, la pièce, c'est l'album Crossover. On a, sur la pièce Plasma Drive, il y a la collaboration de Oliver Wakeman, le fils de Rick Wakeman, également Pat Mastelotto au drum, et voyons, ça me sort de la tête. En tout cas, je vous le dirai tantôt. On y va tout de suite donc en musique avec Nectar, Age of Indica et Cross et Banks. Oh. ask the question. Why do most of us fear death? It's absurd. In reality, we are too concerned with what happens next and not concerned enough with what happens now. What happens to us after death is unknown. We have developed many ideas and theories of what we could possibly expect, but the only guarantee we have is that one day the void will call, whether you like it or not. And so what? Who cares? It is out of our control. All we have is the now. You are here now. You are feeling and you are experiencing this phenomenon we have called. We'll be right back.